de Brasa, Brasero, Brasil, les fados, les playas, un peu Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langue. Chérie FM Martinique, il est 14h. La plus belle musique, Chérie FM. Retrouvez les infos avec l'Atelier du Confort. Le spécialiste de la literie, du canapé, du linge de maison de qualité. L'Atelier du Confort, immeuble Blandin des Mangles, Acajou, au Lamentin. Chérie FM Martinique, l'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Elle aurait été séquestrée et torturée pendant 12 ans par son mari. Une femme a été découverte chez elle par la police. Ça se passe à Forbach en Moselle. De nationalité allemande et âgée de 53 ans, la victime avait réussi à joindre par téléphone la nuit dernière la police allemande qui a ensuite alerté les autorités françaises, Elsa Rio. Oui, des policiers qui ont retrouvé cette femme enfermée dans une chambre de l'appartement du couple au centre-ville de Forbach. Elle avait le crâne rasé, se trouvait en mauvaise santé, dans un état de dénutrition. Elle semblait également présenter d'anciennes fractures aux bras et aux jambes. Selon les premiers éléments, toutes les pièces du logement étaient également grillagées. Avant d'être transportée à l'hôpital pour des examens approfondis, la victime a indiqué subir des sévices depuis 2011 de la part de son mari, un Allemand de 55 ans, sans emploi, jusqu'ici inconnu des services de police. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Et à noter qu'une enquête a été ouverte pour séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie. Émotion et incompréhension au Cap d'Agde d'un accident de manège a fait un mort ce week-end, un adolescent de 17 ans et une blessée grave au Luna Park. Le drame s'est produit sur une balançoire géante dotée d'un élastique. Le garçon qui est décédé a violemment heurté l'un des poteaux de la structure. Le vent pourrait être en cause. Une enquête est en cours. Dans l'actualité également, il n'est pas dit qu'on ne trouvera pas une solution qui ne soit pas la guerre. Les mots aujourd'hui du ministre italien des Affaires étrangères, une dizaine de jours après le coup d'État au Niger, Rome et Berlin plaide pour une sortie de crise pacifique, et ce alors que l'ultimatum de la CEDEAO a expiré hier. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest menace désormais d'intervenir militairement pour libérer le président élu Mohamed Bazoum. La CEDEAO qui se réunira jeudi pour un nouveau sommet extraordinaire. Et puis le foot, la Coupe du Monde féminine, l'Australie qualifiée devant son public pour les quarts de finale après sa victoire 2-0 aujourd'hui face au Danemark. Des Australiennes que l'équipe de France pourrait retrouver au prochain tour, mais les Bleus doivent déjà se qualifier demain face au Maroc. Voilà pour l'actualité, bonne soirée à tous. Chérie FM en Martinique. Chérie FM. Salut, c'est Angèle sur Chérie FM. Feel good music. J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte. Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pour toi, rien que pour toi. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne la verse, je protège les vrais. deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme. Era solitaria, pensativa. Yo te pensé fuerte y no entendía. Pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa.

Plage, rivière, randonnée ou cinéma, où que vous alliez pendant les vacances, Nissan vous y emmène. Pendant les Summer Days chez Nissan Martinique, profitez de Nissan Qashqai, le crossover ultime à partir de 27 990 euros et bénéficiez d'une prime exceptionnelle Nissan de 6000 euros minimum. Nissan Qashqai, également disponible en version e-Power pour une expérience de conduite électrique sans recharge. Nissan, chez Martinique Automobile, uniquement. Voir conditions en concession. Tout de suite, retour de la musique. Non-stop sur Chéri FM. Feel good music. Ce soir je veux un verre aux fruits tendres. Ce soir je veux de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir je veux un verre aux fruits tendres. Ce soir je veux de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer et avec toi courir pour quitter ce quartier. Oh, notre nuit sera au gris. Sans une lueur, marre des cités d'or fort comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Ce soir, je veux du noir, du vrai sans une lueur. Marre des cités d'or fort comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Oh, notre nuit sera au green, dream, dream. Au green, dream, dream. Loin des particules fines. Oh, me. Oh, notre nuit sera. Apaiseront la terre et mettront à zéro tous ces cons qui sont fiers. Et d'un de nos baisers bio naîtra de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire. Green dream dream, oh green dream dream, loin des parties. Okay. Guetta. Salut, c'est Slimane sur Chéri FM. Feel good music. Chéri FM. Histoire sans fin. jamais je dois tout oublier. Si le temps devait tout effacer, que le ciel m'emporte à tout jamais. Si j'oubliais ton nom, et si soudain le temps nous est compté, rappelle-moi tous les mots qu'on se disait. Que le ciel m'emporte.

le nom sexy des garçons qui m'appelaient. Fille blonde aux yeux caressants, cherche jeune loup ou dénégalant. Code ecstasy, attention c'est l'enfer. Dans le salon. Ben, je me prépare pour les Summer Days et essayer les nouveaux modèles Dacia chez Dacia Martinique. Quoi ? Attends-moi, je prends mon sac à dos et je t'accompagne. Pendant les Summer Days, vivez l'aventure chez Dacia Martinique en découvrant Dacia Duster à partir de 20 990 euros. Dacia, chez Martinique Automobile. Uniquement. Voir conditions en concession, pensez à covoiturer. Colibri Spirit, c'est le plus grand magasin de meubles et décorations exotiques de la Martinique. Avec deux arrivages par mois, Colibri Spirit vous propose de nombreuses idées cadeaux. Statuettes, plats en mosaïque, lampes, vases et tableaux pour tous les goûts. Et bien sûr, du mobilier. Colibri Spirit vous accueille au Lamentin, quartier Fourachaud, du lundi au samedi de 9h à 18h. Visitez notre boutique en ligne, colibrispirit.com. Jusqu'au 15 août, venez découvrir nos super promos spéciales vacances. Tout de suite, retour de la musique non-stop sur Chéri FM. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long. You're just like my favorite song going round.

c'est la marque qui célèbre les couleurs, l'audace et le style. Chez Benetton, nous croyons que la mode ne devrait pas seulement être belle. Elle doit aussi être confortable et abordable. Pour sortir de l'ordinaire et avoir un look inimitable, rendez-vous chez Benetton à Fort-de-France. C'est au premier étage du centre commercial Périnon à Fort-de-France. Vous y retrouverez nos collections hommes, femmes, enfants, bébés, qui regorgent de pièces tendances. Des basiques intemporelles aux créations avant-gardistes. Benetton Martinique, c'est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h. Vous pourrez payer en plusieurs fois. Cette fois-ci, la tempête musicale nous vient de Guadeloupe. Mercredi 9 août, la scène du Caribbean Live reçoit Dominique Coco et son Caco Band. Avec un invité, Missy Sadik. Deux styles sur une même scène pour une vibe surprenante. Pour vos résas, Bizouk, Money Pass et Saveur Café à la Galeria. Info Live 06 96 312 181 et 450 496. Mercredi 9 août, la tempête musicale vient de Guada. Dominique Coco et son Caco Band avec Sadik en invité sur la scène du Caribbean Live. Le Capca, c'est au rez-de-chaussée du Sky Club à la rue piétonne de la ZAC de Rivière-Roche. En partenariat avec Chéri FM et Nostalgie. Tout de suite. Retour de la musique. Non-stop. Sur Chéri FM. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.

Chéri FM en Martinique. Chéri FM. Mais que se passe-t-il? Attention, nos bornes changent de look. Différentes à l'extérieur, mais identiques à l'intérieur. En effet, dans la borne jaune de la KSM, tu peux toujours mettre tes bouteilles et flacons vides en plastique, tes emballages vides en métal et carton, ainsi que tes papiers, tes journaux, revues et magazines. Et dans la borne verte, KSM, tu déposes tes bouteilles, pots et bocaux vides en verre. En plus, nous sommes dotés d'un orifice pour permettre aux enfants et aux personnes à mobilité réduite de faire le geste de tri. Super, dans l'ancienne ou la nouvelle borne, je peux continuer à faire le tri. Et vous? Imaginez-vous, mesdames, déambulant avec assurance, arborant des chaussures qui reflètent votre personnalité unique. Chez LPB, nous avons confectionné pour vous une large gamme de chaussures allant des ballerines confortables aux talons compensés, en passant par les baskets tendance et les sandales élégantes. LPB à Fort-de-France, c'est bien plus qu'un simple magasin de chaussures. C'est un véritable paradis de la mode où les dernières tendances de sacs, accessoires et prêt-à-porter viendront sublimer votre silhouette. LPB au centre commercial Périnon à Fort-de-France, c'est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h. Paiement en plusieurs fois possible. Tout de suite, retour de la musique. Non-stop sur Chéri FM. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Sad when Sorry, babe, I gotta go. If you love me, it's me guilty so. Saddest part of me, a part of me that will never be mine, so be hers. Tonight is gonna be the crazy like a fool. What about Daddy Cool? Thank you. face de colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Hey, bro, staring at the sky in a seagull. J'aimerais t'en serrer dans mes bras. Là. Pam, pam, padam, pam, da, da, dam, da, dam, da, dam. Pam, pam, padam, pam, da, da, dam. Attendre si longtemps pour revoir son visage. Recevoir un message, mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce que t'attends? Ça me fout la rage. Hey bro, staring at the sky in a seagull. J'aimerais t'en serrer dans mes bras. Là. Pam pam padam pam da da dam da dam da dam. Pam pam padam pam da da dam. Hey. J'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt meur. Hey bro, staring at the sky in a seagull. J'aimerais t'en serrer dans mes bras. Là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Sur Chéri FM. Feel good music. Chéri FM.

hard done by you. Some things look better, baby, just passing through. Des Chérie FM, non-stop music. Mon père adore le foot, crie, allez les rouges dans sa tête. Il dort nul, réveillons pas ma mère sans aucun doute. Rêve d'un boy scout, capitaine à bord du Seine, ta Maria. Je voudrais bien savoir la loi des sentiments. Les cœurs en feu brûlent, on y va. Avec l'Atelier du Confort, le spécialiste de la literie, du canapé, du linge de maison de qualité. L'Atelier du Confort, immeuble Blandin des Mangles, Acajou, au Lamentin. Chérie FM Martinique, l'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Elle aurait été séquestrée pendant 12 ans. Une Allemande de 53 ans a été découverte par la police dans la ville de Forbach en Moselle. C'est elle qui a prévenu les secours. Elle a été retrouvée enfermée dans sa chambre. Cette femme affirme avoir été torturée depuis 2011 par son mari qui la retenait prisonnière. L'homme de nationalité allemande, âgé de 55 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il était jusqu'ici inconnu de la justice. Une enquête en flagrance a été ouverte pour séquestration, viol aggravé et acte de torture et de barbarie. Émotion toujours très forte au Cap d'Agde. Un accident de manège a fait un mort, un adolescent de 17 ans et une blessée grave ce week-end au Luna Park. Le drame s'est produit sur une balançoire géante dotée d'un élastique. Le garçon qui est décédé a violemment heurté l'un des poteaux de la structure. Le vent pourrait être en cause. Une enquête est en cours. 6 millions d'euros, le montant récolté par la mairie de Paris depuis 2021 et la mise en place des amendes aux propriétaires de biens meublés destinés à la location. Le nombre de contentieux pour des infractions au règlement municipal sur les meublés touristiques touristique a largement baissé cette année dans la capitale. Pour rappel, à Paris, un logement peut être loué sur une plateforme comme Airbnb s'il s'agit d'une résidence principale, dans la limite de 120 jours par an. Également, dans votre actualité, Juan Branco est libre. L'avocat franco-espagnol de 33 ans avait été écroué hier à Dakar, au Sénégal. Il était inculpé pour attentat, complot et diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Il reste placé sous contrôle judiciaire avec un ordre d'expulsion vers la France. Juan Branco assurait jusqu'ici la défense de l'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko. On termine avec cette première pour la Russie depuis 1976. Moscou va lancer un engin vers la Lune. Luna 25, c'est le nom de l'appareil qui décollera vendredi. L'engin de 800 kg devra ensuite prélever et analyser le sol lunaire et mener de recherches scientifiques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Chérie FM en Martinique. Chérie FM. Salut, c'est Clara Luciani sur Chérie FM. Feel good music. Chérie FM. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear. Life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat. 'Cause I'm here alone, just dancing with my. écoutez Chéri FM. Feel Good Music. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. You know it's true. Everything I do, yeah, do it for you. Don't believe me, just watch. Chéri FM en Martinique.